لله رب العالمين جميع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار القائل سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه رافع لواء الحمد وفاتح الجنة باب دار الأبرار اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأخيار وعلى آله الأطهار صحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد ما زلنا مع سلسلتنا التي بدأناها ونحن الآن في المرحلة الثانية من هذه السلسلة. Donc nous sommes toujours avec notre série et on est rentré dans la deuxième partie. وكان مفروضا أن نواصل مع الموتى وأحوالهم وعن قيامهم لرب العالمين في أرض المحشر وعن صفاتها ونواصل عن أهوال القيامة لكني ضربت صفحا عن هذه المواصلة لأعود للأحياء وأحوالهم. Donc c'était prévu qu'on continue toujours avec les morts et avec leur réveil de leur tombe et la terre de la résurrection et on va dire les terribles moments de Yom al-Qiyama, jour du jugement. Par contre, j'ai laissé ce sujet de côté pour revenir aux vivants. هؤلاء الأحياء الذين ضرب الله لهم موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى وهو الموعد الذي سماه القرآن وسمته السنة الساعة. Donc ce rendez-vous qui est donné à tous les vivants, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre fin à toutes les vies, dans un moment appelé par le Coran et appelé par Sunna As-Sa'a, l'heure. هذه الساعة التي أتى القرآن مبينا مرات ومرات مؤكدا عن حقيقتها فأكدها بتعبيرات شتى. Donc cette sa'a, ce moment de sa'a, de l'heure, qui était confirmé par le Coran dans plusieurs formes et plusieurs façons d'expression. فقال إن الساعة لآتية لا ريب فيها وقال إن وعد الله لآت وقال قل بلى وربي ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقال وقال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé ça avec le fait de dire inna sa'ata la'atiya, certes l'heure arrivera. Qala aydan inna ajala Allah la'at, le terme d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Qal aydan, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul bala wa rabbi la yajma'annakum ila yawm al-qiyama. En réponse aux kuffar qui qalu, qalu la ta'tina as-sa'a. Donc ils ont dit que ça ne viendra pas. Il dit au prophète, dis certes qu'elle viendra. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous réunit dans un jour où il n'y a pas de doute. Lakin, rama hadhihi at-ta'kidat wa at-ta'kidat wa at-ta'kidat min al-Qur'an. Wa an-nas kama kana haluhum ma'a al-maut. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika ma kunta minhu tahi, kadhalika ma'a as-sa'a. قال الله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي في بداية سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال أيضا في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. C'est-à-dire au-delà de confirmation de Coran avec un style de passé pour confirmer que l'heure est arrivée, il a utilisé carrément le passé, mais il a dit iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa'rid. Donc le terme, yani pour les gens, le jour du jugement arrive, yani il s'approche alors qu'ils sont dans une insouciance, écartés dans une insouciance. Wa la madhalika an-nas fi ghaflatihim bal nahnu al-mu'minuna aydan fi ghaflatin 'an hadha al-yawm. رغم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعداد له فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. Et pas uniquement les gens, même parmi nous les croyants, on est dans une insouciance par rapport à ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, اتقوا الله, craignez Dieu, وتنظر نفس ما قدمت لغد, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain, c'est-à-dire le jour du jugement. Tellement il est proche, il a utilisé le mot demain pour exprimer ce jour. Lakin, هذا اليوم رغم ذلك الناس يبحثون عن أسئلة عن هذا اليوم متى سيكون بل حتى أصبح بعض المسلمين يتفكهون ويبحثون مع تلك الأخبار التي تأتينا من هنا وهناك تنبؤات عن أن يوم القيامة سيكون قيل في 2012 يعني 2012 قيل كذا وكذا والبعض المسلمين يبحثون عن ذلك رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالبحث عن متى تكون الساعة donc au-delà de ça il y a certains musulmans qui s'amusent à suivre certaines prédications et certains délires en disant que ça sera 2012 2014 ou 2016 لكن رغم ذلك أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك بل كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أو حديث أنس حينما جاءه ذلك الرجل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait corriger pour ce bédouin qui est venu, comme il a été rapporté dans les deux authentiques, le recueil authentique, le Bukhari et le Muslim, cet homme qui est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce le jour du jugement, il n'a pas répondu, mais il lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé ? Donc, فالمطلوب الاستعداد وهذا الأجل مغيب كما تعلمون فإذا كان أشرف خلق الله من الملائكة وأشرف خلق الله من بني الإنسان لم يعرف هذا اليوم فما بالك Donc si les plus nobles parmi les croyants et les plus nobles parmi les êtres humains ne savaient rien de ce jour-là وكلكم يعرفون حتى يعرف حديث جبريل هذا الجبريل حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا محمد قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل Donc quand Jibril, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans une forme humaine pour interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté des compagnons pour qu'ils écoutent. Il a dit, quand est-ce le jour du jugement ? Il a dit, celui qui est interrogé ne sait pas plus que celui qui l'interroge. Lakin, اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن غيب عنا الساعة وقد يسأل سائل لما غيب عنا الساعة أما كان أحسن أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالأمل هذا الذي ضربه لنا حتى نستعيد Certains vont se poser la question, pourquoi ? Quelle est la sagesse derrière le fait de cacher le jour du jugement, le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala بل وردت أحاديث أنه رغم علامة الساعة لكن تقوم الساعة وينفخ في الصور والناس يتبايعون حتى أن أحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدهم ليوطي ثوبه للآخر وينتظر منه أن يبعث له أن يعطيه الماء Donc au-delà de ça, au-delà même d'ici une précurseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé que le jour du jugement arrive alors que les gens ils sont en train de faire des transactions au point que quelqu'un il donne à quelqu'un des vêtements en attendant qu'il le paye. فَتَقُومُ السَّاعَةُ وَيُنْفَقُ فِي الصُّورِ لَكِنْ مَا الْحِكْمَةُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أَرَادَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِجَابَةَ عَنْ ذَلِكَ Il y a beaucoup d'exégètes qui ont essayé de donner la réponse pour cette question qui peut être posée par un homme sage en disant quelle est la sagesse derrière le fait de cacher le jour du jugement. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى غيب ذلك للإنسان ليكون أحرى للاستعداد فطبيعة البشر اقتدت أنهم حينما يعرفون أمرا مغيبا وقد يأتي يعني دون شك فإنهم يستعدون يكونوا أحرى للاستعداد Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les êtres humains, ils ont en parlant des êtres humains sensés, rois, qu'ils ont tendance de se préparer pour un éventuel rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment fixé. On a tendance de se préparer encore plus, parce qu'on ne sait pas à quel moment il arrive. Donc, لذلك, اقتدت حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن, رحمة الله سبحانه وتعالى بنا لم يرد أن يغيب عنا يعني وإن غيب عنا الساعة لكن لم يغيب عنا أمارتها الله سبحانه وتعالى par sa miséricorde même s'il nous a caché le jour du jugement il nous a laissé connaître des signes يعني précurseurs les signes avant-coureurs la preuve حينما جاء جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة فأجابه ذلك الجواب، لكنه استهل بعد ذلك وسأله فقال وما أمارتها. On voit même dans la façon de Jibril quand il est venu enseigner aux compagnons, il enseignait au prophète, il enseignait aux compagnons leur religion. Quand il a posé la question sur le jour du jugement, et le prophète l'a répondu qu'il ne sait pas mieux que lui, mais il l'a demandé quand même les signes. وجاءت حكمة الله فبينت لنا تلك العلامات. الله سبحانه وتعالى il a voulu que nous montre les signes. قال العلماء ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى بين لنا العلامات كما سألنا أنفسنا لما أخفى عنا يوم القيامة لكنه أظهر لنا العلامات. قيل لأن في العلامات فوائد، أولها أن المغيبات حينما تقع كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فذلك يكون أدعى لتثبيت الإيمان. Donc une des sagesses, le fait que les signes précurseurs arrivent tels qu'ils ont été décrits par le prophète alayhi salatu wassalam, ça renforce notre foi. ولذلك أنتم تجدون أن حتى بعض العلماء وهم يتحدثون عن بعض الظواهر التي حدثت والتي جاءت بها الأحاديث الصحيحة يكون وسيلة لدعوة المسلمين وغيرهم. Donc même certains musulmans, ils ont utilisé ces signes avant-coureurs qui ont été décrits dans certains hadiths et qu'on les voit maintenant, ils sont venus pour renforcer la foi des musulmans et donc ils servent pour appeler les musulmans et les non-musulmans à l'islam. أيضا من بين الأمور التي يجب أن نعرفها من خلال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بين لنا الموقف الشرعي من هذه الأمور. Donc il se peut que certains signes précurseurs demandent une position juridique. Et nous, on ne sait pas. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ça aux compagnons, et les compagnons, par leur sagesse, ils ont pu poser la question sur la position juridique à faire, ou le comportement à faire devant ces signes, donc ça nous donne vraiment un fondement pour tout acte juridique. Vous le voyez, par exemple, dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, حينما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء الدجال فقال يصبح اليوم كالسنة واليوم كالشهر وكذا، فكان أحد الصحابة سأله فقال يا رسول الله إذا كان اليوم كهذا أيتكفيني صلاة يوم وما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره. Donc il a donné à travers cette position, c'est-à-dire on prend le Nabi sallam en expliquant l'arrivée de Dajjal, l'antéchrist, il a dit que le jour il va être ébranlé, il n'y aura pas des mesures de temps. Donc à partir de là, un compagnon lui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour faire la prière? C'est quoi les repères? Le prophète sallam il a dit faites des estimations. Et grâce à cette question, les ulama, les savants, ils ont pu répondre maintenant à l'heure actuelle que, comme vous savez, certains musulmans qui sont dans le fin fond du nord, par exemple de la Suède ou du Canada et tout, où il n'y a pas vraiment des signes, il n'y a pas de soleil. Parce que comme vous savez, les prières, ils sont liées au soleil, aux positions de soleil. Là, il n'y a pas de mouvement de soleil. Le soleil, il est stable pendant un certain temps. Donc comment on fait pour faire la prière? C'est à travers le fondement qu'il a donné le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, à travers cette réponse. Donc voyez-vous comment la réponse de ce compagnon qui était en train, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de décrire un signe précurseur, nous a servi pour avoir un fondement juridique. بل أن النبي هناك أحاديث أخرى حينما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال الصحابي يا رسول الله ما أفعل؟ قال تصلي صلاة لوحدك وتصلي معهم. Donc il y a des hadiths dans lesquels il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam des a'imma. Quand on dit a'imma, ce n'est pas les imams de la prière, c'est plutôt les responsables. Quand il retarde la prière, il a dit à Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit prie tout seul et prie en groupe. Donc à travers ce hadith, on a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie toujours de préserver l'unité des musulmans. C'est pas comme certains qui cherchent, ils fouillent des fatwas qui séparent les musulmans. Non, même au-delà du fait qu'ils ne font pas la prière à l'heure, il lui a dit, fais la prière chez toi et refais-la en groupe. Ça veut dire, en aucun moment, c'est-à-dire la divergence sera un moyen pour fuir le groupe. أيضا من بين الحكم التي نعرفها ونحن نرى هذه الأحداث التي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدأ بال المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في علامات الساعة عن تضييع الأمانة وقال عن سلام الخاصة. وأنت ترى ما سلام الخاصة وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثك به، فقد يعني قد أنذرك من قبل. فلما أنذرك من قبل هانت، لأننا إذا عرفنا الأمور قبل أن تحدث فحينما نراها لا يعني لا نتأثر كثيرا، لا نتفاجأ برؤيتها. Parmi les sagesses aussi, le fait que le prophète sallam a décrit certaines choses, certains signes, le fait qu'il y a l'amana, c'est-à-dire que les dépôts ne vont pas être respectés, l'amana ne sera pas respectée. Il a dit le prophète sallam, parmi les signes aussi, salam al-khassa, les salutations mais privées, c'est-à-dire moi je salue juste une seule personne que je connais, les autres je ne les salue pas. Cela en vérité, pour un croyant, ça ne peut que l'apaiser. Parce qu'en regardant des scènes qui peuvent vraiment l'énerver, il va être apaisé parce qu'il sait qu'il a été prévenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هي السنة التي تحدثت عن العلامات. تحدثت عن العلامات لكنها لم تتحدث عن مجيء يوم القيامة إلا بتلك العلامات. Donc, وكان لذلك حكمة كما يعني بينا ذلك. Donc, il y avait une sagesse derrière tout ça, le fait de parler des signes précurseurs. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas annoncé l'arrivée de l'heure à l'heure au moment exact. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa as-salatu ala an-nabiy al-mustafa. Fi hadithina 'an al-'alamat rubbama qad nufridu laha jumu'at li'annaha tahtaju minna lil-wuquf ma fassalaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa li-hikmah. Donc, le fait de parler des signes précurseurs, peut-être on va lui consacrer un ensemble de jumu'at, inshallah, dans les prochains jours. Lakin, wa al-muslim, yani, ma huwa al-wajib al-tarbawi. Antum ta'lamuna annana fi kulli khutbatin thaniyan nuhawilu an akhudha wajiban tarbawiyan 'amaliyan. C'est-à-dire, ba'da ma'rifa, li anna al-aqida as-sahiha, wa antum ta'lamuna anna al-iman billahi subhanahu wa ta'ala ruknu min arkan al-aqida. بل أن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في القرآن إلا ودائما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني لأهمية اليوم الآخر ذكره دائما مقترنا بالإيمان بالله، بل أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذا الإيمان بعد الإيمان به. Donc, voyez que le fait, c'est-à-dire le côté pratique de tout ce qu'on entend, parce qu'on essaye chaque deuxième prêche de voir vraiment le côté pratique par lequel on peut être vraiment ce qui nous intéresse dans tout ça, le fait de connaître les signes précurseurs et tout, c'est quoi côté pratique. Et l'aqida, le fondement de la foi, n'est important que par le fait que ce fondement qui est philosophique, qui est le fait de croire, engendre un acte. Sinon, s'il reste juste au niveau de la tête, au niveau de la philosophie, c'est pas plus important. Et, comme vous savez, le fait de croire au jour du jugement dernier, c'est un pilier parmi les piliers, les six piliers de l'aqida, de la foi islamique. Ben, plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois dans le Coran, il parle de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement. C'est-à-dire, tellement il est important, c'est lui qui l'a cité plusieurs fois, plus que les autres piliers avec Allah, avec le fait de croire en Allah. Donc, « إِذَا عَلِمَ الْمُؤْمِنِ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ آتِ » Le jour du jugement arrivera. Et les signes précurseurs sont déjà là. Bal, parmi les signes précurseurs, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « بَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِهِ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement les signes précurseurs ils sont là, et le jour du jugement arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'ai été envoyé parmi les signes du jour du jugement qui sont déjà passés, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier messager. Il a dit j'ai été envoyé, moi et le jour du jugement comme ça. Il a indiqué avec son pouce et son majeur en faisant comme ça. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivera carrément. حتى انه في روايه لا ادري هل تصح ام لا قال وان كانت لا تسبقني على لا me devancer لكن يعني والواجب العملي والمسلم ينظر الى اقتراب هذه الساعه ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وحيدا ويسال عن كل دقيقه في حياته عن كل صغيره وكبيره فماذا يجب عليه. Donc le musulman qui croit à ce jour du jugement, il croit qu'il va se mettre seul, sans avocat, sans rien du tout, devant son Dieu, son Seigneur, qui va l'interroger tout seul, sur tous les détails de sa vie. Détails de sa vie. Il doit répondre. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث الذي يروي الترمذي وغيره قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé le questionnaire qui vont être sur quatre thèmes. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il a dit « Aucune personne et aucun pied ne bougera le jour du jugement jusqu'à qu'il sera interrogé sur quatre thèmes. Sur sa vie, dans quoi il a dépensé, sur sa jeunesse, dans quelle il a vieilli, et sur son argent, ses biens. Comment il les a eus? Parce qu'il y a beaucoup de frères qui posent la question juste sur la provenance. Non, même sur les dépenses. C'est-à-dire sur l'argent, il va avoir deux questions. Sur la vie, il va avoir deux questions. Une question sur toute la vie, une question sur la jeunesse. La question sur l'argent sera double. Sur la provenance, sur la dépense, les dépenses. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'inquiètent sur la provenance, mais ils ne s'inquiètent pas sur les dépenses. Ils peuvent dépenser, ils disent c'est mon argent, je peux le dépenser, il n'y a aucun texte qui m'interdit. Donc ils peuvent, même sur les dépenses. Et sur sa science, il va être interrogé sur sa science, sur ce qu'il a connu. Parce que certains ne vont pas dire non, ça c'est spécifique pour les ulama. Non, toute personne elle a un bout de science. Donc sa science, qu'est-ce qu'il a fait avec? Ça veut dire, tu as entendu le khutbah qui parle du jour du jugement, qu'est-ce que tu as fait avec? T'as entendu des versets qui disaient qu'inna ajalallah ila at. Qu'est-ce que t'as fait avec? Donc, que le musulman, elle se prépare pour ce questionnaire. Si on arrive juste chaque jour à se poser la question, comme certains étudiants qui le font, c'est-à-dire on se prépare pour cet examen, pour lequel on sera seul. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois dire? فَمَنْ يعني تَصَوَّرَ هَذِي الْأَسِلَى وَاسْتَعَدَّ لَهَا لا أظنه إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه ومن لم يبالي بهذه الأسئلة ووصل حياته كأنه لم يسمع خطبة ولم يسمع درسا ولم يسبق له أن يسمع هذا الحديث ويفعل ما يشاء حتى يلقى ربه لا أظن أن سؤاله يوم القيامة سيكون سؤالا خفيفا بل كما قال الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا فسيحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله donc celui qui entend tout ça il met dans sa tête le fait qu'il va être interrogé sur ça. Il se prépare chaque jour pour se poser la question sur la provenance de son argent, sur sa jeunesse, sur tout, en se préparant pour ce jour-là. Je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rencontrera tout en étant satisfait de lui. Mais celui qui néglige tout ce qu'on a dit, il néglige ces hadiths qu'il les a entendus plusieurs fois, il fait comme s'il ne les a pas entendus, je ne pense pas que son jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala ne sera qu'un jugement vraiment très dur. نسأل الله السلامة والعافية اللهم اجعل حسابنا يسيرا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم اجعل حسابنا يسيرا ربنا اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل المسلمين في كل مكان اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كل المستضعفين في الشام وكل المستضعفين في العراق اللهم يا رب العالمين كل المظلومين اللهم كل المظلومين اللهم فك أسر المسجونين ظلما يا رب العالمين اللهم اشف الجرحى اللهم ارحم الموتى يا رب العالمين اللهم ارحم الموتى اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ورد الدين عن المدينين اللهم يسر لكل مؤمن الخير يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من الشرور اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيوفقه لذلك ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره اللهم اجعل تدبيره تدميره واكفيناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفينا كل الشرور اللهم يا أرحم الراحمين تب علينا توبة صادقة قبل الموت وارزقنا شهادة عند الموت وارزقنا جنة ونعيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوموا لصلاتكم أخرى الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ne suivez pas les messages de vous aligner par rapport à vos pieds, barakallahu fikoum. Ben, allez, j'essaie de découper, barakallahu fikoum, les espaces. Comme ça, on le gagne des rangs, barakallahu fikoum. Juste reculer un petit peu, je suis tout manuel. Mais allez, c'est celui qui ne peut pas prosterner. Vous pouvez prosterner sur les pieds des frères, vous n'avez pas de problème. C'est juste pour vous animer. Avancez, Marco, et qu'on va partir. C'est Marco. C'est d'accord, non ? Ça marche. Avancez, avancez, avancez, la pécha, c'est الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجليها إلا وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله لا يجليها إلا بوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.